cette nouvelle année 86, qui, souhaitons-le, sera l'aube de l'intelligence. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez vu probablement cette affiche qui était placardée à l'entrée de la salle de conférence, avec les vœux et les souhaits, en quelque sorte, du centre de l'universalité. Il est dit ici que, pour plusieurs d'entre nous, l'année 86 sera celle où se gravera dans la mémoire de la planète le tournant de notre évolution. La conscience nouvelle apportée par l'énergie supramentale s'étendra un peu plus sur le Québec ésotérique. Le centre de l'universalité axera donc toutes ses énergies sur cet homme nouveau qui tend à naître en nous. On nous dit ici que si on se sent prêt à foncer, parlez-nous-en. Alors, comme c'est signé le centre de l'universalité, que c'est assez impersonnel, je pense qu'il faut en parler à l'intéressé principal, c'est-à-dire à Daniel Kemp. Et plus il y a d'humains nouveaux travaillant de concert pour le chemin devient facile pour tous. Alors, 1986, ça c'est l'année d'après notre calendrier chrétien. Mais en ce qui concerne l'aube de l'intelligence ou l'avènement du supramental sur la Terre, je crois qu'il faut faire nécessairement référence aux pionniers, ceux qui nous ont précédés dans ce domaine, à commencer par Sri Aurobindo, Satprem et la mère. Je fais référence ici au livre extraordinaire de Satprem, La Genèse du surhomme, que vous pourrez consulter éventuellement à la page 82, où il s'interroge, lui, sur la naissance de cette aube nouvelle, sur le début de la pénétration de l'énergie supramentale sur la Terre, et il nous donne une année, l'année 1969. Donc, on serait, d'après ces pionniers, en l'an 17 de la nouvelle aube, en l'an 17 du nouvel âge de l'ère supramentale. On accueille maintenant notre ami Daniel Kemp. Daniel, est-ce que tu es de l'avis de Satprem et Aurobindo, qu'on serait donc dans l'an 17 du nouvel âge? Est-ce que l'année 1969 évoque quelque chose pour toi au niveau de la pénétration de l'énergie supramentale? En 1969, j'avais, je crois, 12 ou 13 ans. Et si tu te réfères à un livre que j'ai écrit à un moment donné, qui était mon autobiographie de 12 ans allée à 19 ans, effectivement, l'histoire commence en 1969. Alors, dans cette année, j'ignorais totalement tous les mécanismes de la nouvelle conscience ou de l'énergie supramentale. Ça a été un tournant dans ma vie, étant donné qu'à partir de ce moment donné, j'ai commencé à envisager non pas la conquête de la planète, mais la conquête d'un cadre d'évolution qui permettrait de libérer l'homme pour qu'il puisse, à un moment donné, arriver à une conscience totale, que je limitais à l'époque à une conscience planétaire, mais qui depuis s'est étendue pas mal plus loin. Qu'est-ce que tu as vécu précisément dans cette année-là? J'ai découvert la manipulation par le rêve, les rêves initiatiques, le charriage astral, c'est-à-dire que, après avoir entrevu ce que nous appelons des objets volants non identifiés, donc des espèces de lueurs dans le ciel au-dessus de Montréal-Nord ici, moi et un de mes amis, on a rêvé similairement les mêmes rêves où on rencontrait différents personnages dans une espèce de petit paradis, une espèce de monastère, où on se faisait instruire de différentes choses. Par la suite, nous avons accrédité ces messages de ces êtres et nous avons mis nos énergies à travailler en fonction de la création de ce qu'on nous avait suggéré. Vieillissant, j'ai découvert, mon ami n'a pas encore découvert, un jour ça va lui être donné, qu'il ne faut jamais se fier à ce genre de messages, qu'il ne faut jamais faire confiance à des guides que l'on rencontre dans son sommeil, aussi beau, aussi bien, aussi pacifique qu'en apparence soit-il. Et l'homme doit non pas parfaire la conscience d'un autre, non pas assumer une mission planétaire ou une mission humanitaire, mais je sais aujourd'hui que l'homme doit arriver à une conscience individuelle, c'est-à-dire que l'homme doit être capable de se centrer dans sa propre intelligence. Alors automatiquement, l'homme non seulement ne peut plus être instruit par ses guides ou par ses maîtres qui viennent le visiter dans son sommeil, mais aujourd'hui encore, de temps en temps, ses maîtres viennent pour s'instruire. Bon, mais quel était le contenu précis de ces rêves supposément initiatiques? Est-ce que tu t'en souviens? le message qui t'était adressé à ce moment-là. Oui, disons que le message lui-même a toujours une consonance qui est réelle, mais qui est colorée. Alors, à l'époque, on me demandait de former une organisation qui pourrait étudier les mystères de la planète, donc en l'occurrence les écrasements d'avions qui étaient inexplicables, tous les mouvements ésotériques à l'échelle de la planète, les sectes, les tueries mystérieuses, enfin un paquet de mécanismes de la psychologie humaine. Évidemment, nous étions un petit groupe de jeunes de 12, 13, 14 ans. Le premier adulte que nous avons approché, parce que évidemment les adultes ne voulaient pas travailler avec nous, le premier que nous avons approché, on n'aurait sans doute pas dû l'approcher, mais à l'époque, on ne connaissait pas tous les mécanismes limitatifs de l'évolution. Alors, cet adulte nous a connus. Il nous a connus quelques mois parce que par après, il est mort noyé dans l'océan Pacifique d'une façon assez inexplicable. Ça veut dire que moi, je sais ce qui s'est passé, mais on ne le sait pas. Et par la suite, le groupement a changé de nom suite à d'autres genres de rêves. Et il s'est appelé Envol. Et le but principal de l'organisation ou du groupe Envol était de coloniser une île perdue au fond du Pacifique en vue de pouvoir permettre l'instauration d'une société qui serait basée beaucoup plus sur le repoussement des limites du cadre d'évolution des individus comparativement aujourd'hui où l'individu fonctionne apparemment pour un monstre qu'il appelle société. Alors là-bas, c'est des choses qui auraient été différentes, chose que nous poursuivons présentement dans le travail au niveau du projet OFSA. Il va se faire ici au Québec, qui regarde un village qui pourra être construit à un moment donné. Encore là, ce n'est pas important. Alors, tout ce que je sais, c'est que nous avons été, moi et deux de mes amis qui travaillent présentement ici au centre, manipulés de façon à nous obliger à acquérir une forme d'expérience, c'est-à-dire à nous obliger à avoir des événements plus rapidement que le reste, disons, de nos concitoyens. De façon à nous préparer à pouvoir organiser ou à pouvoir gérer à un moment donné quelque chose de plus grand. D'ailleurs, c'est à cette époque aussi que l'on s'est connus tous les deux. Et parce que de la planète Terre, on s'en allait ailleurs, tu as décidé de t'occuper un peu de notre organisation. À l'époque, j'étais jeune. Alors, disons que 1969 a été, au niveau de l'Amérique, la première année, la première apparition réelle de l'énergie supramentale chez l'homme. Je n'ai pas été le seul à pouvoir être contacté par ce mécanisme d'énergie supramentale. Ma conscience psychologique infantile m'a permis de colorer d'une façon particulière et de pouvoir me permettre de me connecter à différents plans hautement spirituels de l'âme planétaire. Tandis que d'un autre personnage qui était beaucoup plus âgé que moi à cette époque a eu une initiation différente. Et il a pu, lui aussi, se connecter à cette énergie supramentale pour apprendre à un moment donné à s'adapter à elle et à l'adapter à lui. Ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque tu dis qu'il ne faut pas porter de crédit donc à ces messages supposément initiatiques, mais quand même tu parles d'initiation supramentale. Donc c'est un mal nécessaire ou quoi? Qu'est-ce que c'est que tu veux dire? Un mal nécessaire. La semaine prochaine, on va parler de pourquoi le mal existe. Et effectivement, c'est un mal nécessaire. C'est que si j'aurais eu la possibilité de comprendre instantanément les mécanismes même de la manipulation par l'astral sur l'homme, je n'aurais pas eu à passer par ce genre d'initiation. À cette époque, je ne pouvais pas le comprendre et on a manipulé l'astral de façon à ce que celui-ci me manipule, moi et mes amis, pour nous permettre, à l'insu même de l'astral, d'arriver à se débarrasser de l'astral. Exactement comme lorsque je dis qu'une souffrance amène l'homme à connaître cette souffrance. Donc, l'homme connaissant cette souffrance connaît les mécanismes qui l'amènent à souffrir. Donc, il peut arriver à se libérer de cette souffrance. La souffrance amène l'homme à se libérer d'elle-même. Donc, il a été nécessaire de passer par une première forme d'initiation qu'on pourrait appeler astrale ou lunaire avant de passer par l'initiation solaire, en quelque sorte. Ça a été les prémices à l'initiation solaire. Est-ce que ça a été une ouverture de l'esprit, une prise de conscience ou une façon de développer ton discernement à travers ces expériences? Disons que si on veut parler de l'initiation lunaire et de l'initiation solaire, on parle de temps en temps des guides de lumière qui viennent aider l'humanité. On parle aussi de ceux qui veulent forcer ou aider l'homme à ouvrir les yeux pour qu'il puisse enfin contempler ce que lui appelle Dieu. Alors qu'en réalité, tout ce qui tend à donner la lumière à l'homme est un mécanisme extrêmement dangereux, anti-écologie et anti-évolution par rapport à l'homme. Lorsque l'exemple que je donnais il y a de cela quelques mois, lorsqu'on parlait de cette initiation solaire et lunaire, c'est que lorsque tu te promènes le soir en automobile et que tu te diriges face au soleil, si tu n'as pas de verre fumé, tu risques de prendre le champ pour la simple raison que la lumière du soleil t'aveugle. Donc, il est intelligent qu'une forme d'expression d'énergie intelligente vienne mettre des verres fumés, c'est-à-dire viennent créer ce qu'on appelle l'initiation lunaire au niveau de l'ésotérisme traditionnel, pour pouvoir permettre à l'homme de s'adapter lentement et progressivement à une énergie qu'il a connue, qu'il a oubliée, et qu'il n'est plus prêt à recevoir instantanément, sans préparation au préalable. Alors donc, si on parle, présentement, il est évident que moi, je fonctionne au niveau de l'initiation solaire. Pourquoi l'évolution est-elle lente et progressive chez l'homme, comme va être l'intégration des énergies ou de la conscience nouvelle en 1986, comme elle a été en 85, comme elle sera en 87? Parce que le corps de l'homme a besoin d'être suffisamment puissant pour pouvoir supporter une descente d'énergie plus grosse que ce qu'il connaît. Lorsque, évidemment, il faut comprendre que les mécanismes, lorsque nous parlons du mot énergie, cela est difficilement compris pour une personne qui m'entend pour la première, deuxième ou troisième fois. Lorsqu'une personne reçoit une nouvelle qui peut agresser sa psychologie, cette personne entre en contact avec une énergie psychologique qui est trop puissante pour sa possibilité d'intégration. Alors la personne peut avoir un choc vagal, c'est-à-dire qu'elle peut perdre connaissance. Elle peut entrer en crise de nerfs. Elle peut pleurer. Elle peut refuser totalement la nouvelle et se créer un monde où la nouvelle est exclue. Lorsque l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale, c'est-à-dire avec la conscience inexpérimentée, lorsque l'homme entre en contact avec une connaissance instantanée qui lui permet de tout savoir ce qu'il a besoin de savoir lorsque cela est utile, l'ego de l'homme, la parcelle de l'homme qui ne jure que par l'expérience, se voit complètement démuni, se voit frustré de tous les temps énergétiques qu'elle a mis pour accumuler une connaissance expérientielle, une mémoire, une expérience, et elle découvre qu'elle a perdu sa vie ou ses vies parce qu'elle ne pouvait pas reconnaître la puissance d'une connaissance instantanée. Alors évidemment, lorsque l'initiation solaire frappe une personne qui n'est pas prête, celle-ci brûle, alors celle-ci peut disparaître biologiquement, c'est-à-dire qu'elle disparaît, elle est presque désintégrée, disons. Elle peut aussi avoir une transformation neuronique perturbatrice, elle peut devenir psychiatrique, elle peut devenir folle, elle peut retomber en enfance, elle peut interpréter, intellectualiser ce contact limité de l'énergie supramentale et en faire un contact avec un dieu particulier. Alors, elle peut se croire messager d'un dieu. Elle peut aussi transformer ce contact supramental en un contact extraterrestre. Alors, elle peut encore se croire messager d'extraterrestre. Alors, il y a plusieurs mécanismes de protection de la psychologie chez l'homme contemporain qui lui permet aujourd'hui de pouvoir entrer en contact avec cette conscience nouvelle sans pour cela nécessairement trop le perturber. Alors, on sait, enfin, certains savent que lorsqu'ils ont fait mon séminaire, le séminaire sur l'homme nouveau, le séminaire PMC1, lorsqu'ils viennent, ils posent des questions, ils demandent qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'ils partent, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, mais ils savent qu'il s'est passé quelque chose. Certaines personnes viennent me revoir par la suite et voient chez eux un immense changement, changement auquel ils ne peuvent donner de nom. Alors, ils essaient de se référer à des choses qu'ils ont déjà expérimentées. Ils ne trouvent rien chez eux. La conscience nouvelle, il faut comprendre que l'énergie supramentale, elle se trouve partout. Mais elle se trouve surtout là où il y a des personnes pour capter l'énergie supramentale. Et il se trouve aussi qu'il y a des personnes aptes à capter l'énergie supramentale là où il y a de l'énergie supramentale. C'est-à-dire que la nouvelle conscience se trouve là où il y a des personnes pour l'exprimer, vérité de la palisse, et qu'il y a des personnes pour exprimer cette nouvelle conscience là où il y a cette nouvelle conscience. Il faut aussi comprendre que plus il y a d'individus qui se réunissent dans cette nouvelle conscience, plus il y a d'énergie attirée par ce foyer d'attraction, et automatiquement, plus cela devient facile pour les capteurs d'énergie, c'est-à-dire pour les hommes, les femmes et les enfants nouveaux. L'initiation solaire est quelque chose que nous abordons en PMC6. Lors de la dernière conférence spéciale, celle de dimanche dernier, on a passé 2 heures à amener lentement la possibilité d'exprimer ce que pourrait être cette initiation solaire. Là où l'homme devrait être capable de voir en face à face les parties illusoires de sa propre personnalité et de voir en face à face les parties réelles de sa personnalité. C'est-à-dire que l'homme ancien ou l'homme psychologique doit se dissocier de l'homme réel ou de l'homme nouveau pour pouvoir contempler ce qu'il a toujours voulu être, mais ce qu'il ne pourra jamais être. Donc, lorsque l'initiation solaire apparaît chez l'individu, celui-ci accomplit instantanément une mortalité psychologique totale. En même temps, il accomplit une naissance d'homme nouveau, c'est-à-dire que l'être accepte de mourir pour laisser son esprit s'exprimer par lui. Lorsque nous employons le mot mortalité, c'est un mot qui est faux et qui est vrai. Parce que lorsque la psychologie perd l'apanage de s'exprimer dans la conscience de l'homme, elle est morte. Lorsque l'homme dort, l'homme est mort. Une autre forme de psychologie vient s'exprimer chez lui. Lorsque l'homme est en colère, le même homme pacifique est mort et c'est l'homme colérique qui s'exprime. Lorsque l'initiation solaire apparaît, c'est extrêmement douloureux pour une personne qui n'est pas prête parce qu'elle voit les choses telles qu'elles sont. Et on va revenir sur les différents mécanismes, disons les différentes marches à monter ou qui seront montées par les personnes qui, présentement ou qui, en 1986, auront cette faculté d'intégrer cette conscience nouvelle. Maintenant, de 1969, on va dire, jusqu'à l'aube des années 80, là, il y a donc eu, si je comprends bien, comme une espèce de phase préparatoire où l'homme devait vivre des ajustements de vibratoires de ses corps pour pouvoir endurer en quelque sorte l'énergie supramentale, un peu comme des fils qui doivent supporter un courant de haut voltage. Il est nécessaire de fabriquer une gaine autour et de les renforcer, c'est ça. Mais il n'y a pas de mesure pour chacun de nous. On ne peut pas mesurer cette avance ou dans cette intégration de l'énergie. On ne peut pas dire, bon, ben, telle année, 69, 70, 71, ça a été ceci, cela qui a été vécu par tous ceux qui ont été contactés par cette énergie-là. Il n'y a pas de mesure. Tout dépend de la matière première. Donc, tout dépend de l'homme. À l'époque où, en 1969, l'énergie supramentale a surtout touché le Québec. Il faut bien comprendre que des précurseurs sont passés avant nous pour préparer le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont instruit les plans astraux, ils ont instruit l'âme planétaire de façon à ce que celle-ci accepte, sans trop de violence, la naissance d'hommes nouveaux. D'autres personnes, par la suite, sont passées encore avant moi et ont souffert, ont passé par des initiations solaires obligatoires, obligées, avec une reconstitution vitale de leur corps physique et de leur corps neuronique, de façon à ce que, malgré leur impréparation, ils puissent arriver à cette conscience nouvelle. Il y a eu deux personnages sur la planète, dont l'un est québécois. Suite à cela, le travail, pour moi, pouvait commencer. D'ailleurs, je ne suis pas venu au monde un peu plus tard pour rien, parce que j'ai besoin d'avoir une certaine jeunesse pendant un certain laps de temps pour pouvoir me permettre d'accomplir ce que j'ai à faire. Et ces personnes ont préparé le terrain. Présentement, moi, je prépare aussi un terrain pour la venue de d'autres personnes qui auront plus de facilité à pouvoir s'exprimer pour la simple raison que le karma nécessaire qui doit être balayé par le passage de certains bulldozers supramentaux ou antennes supramentales ou ajusteurs collectifs, comme moi et comme d'autres, aura été fait. L'énergie supramentale, c'est un terme nouveau pour beaucoup de personnes ici au Québec. La conscience nouvelle est un terme peut-être plus approprié. Mais qu'est-ce qui détermine la conscience nouvelle chez l'homme et qu'est-ce qui détermine la conscience ancienne? Je disais dernièrement que l'homme ancien avait une conscience localisée, une conscience locale, c'est-à-dire qu'il a conscience de lui ou d'une partie de lui. Et lorsque cette conscience tend à s'étendre, non pas uniformément, il peut prendre conscience de sa famille. Alors, lorsqu'on touche à un membre de sa famille, c'est comme si on touchait à lui. Et on a différentes races qui ont effectivement une conscience familiale beaucoup plus étendue que le Québec. Lorsque cette conscience, non pas uniformément, continue à s'étendre, on peut avoir une conscience politique, une conscience professionnelle, une conscience nationale. Encore là, on exclut le reste. Et cette conscience reste une conscience localisée. Lorsque l'homme nouveau commence à apparaître, lorsque la nouvelle conscience tend à s'exprimer chez lui, il sait, non pas intellectuellement, non pas parce que Radio-Québec l'a annoncé, il sait qu'il appartient, qu'il vit sur une planète. une planète semi-sphérique sur laquelle évoluent d'autres personnages avec lesquels il peut avoir des relations ou avec lesquels il peut ne pas en avoir. Cet homme qui a une conscience non plus locale mais planétaire peut se permettre, ayant cette conscience planétaire, d'entreprendre un travail qui sera plus vaste que le travail planétaire, c'est-à-dire qu'il pourra entreprendre un travail extraplanétaire. Automatiquement, l'homme a l'accès à une conscience nouvelle, à une conscience extraterrestre. Qu'est-ce que moi je veux dire, qu'est-ce que je désigne par conscience terrestre et par conscience extraterrestre? Le terme extraterrestre a été charrié par les petits bonhommes verts. Et j'ai déjà conté l'histoire de ce bonhomme vert qui était un petit singe qu'on avait tué, peinturé en vert, auquel on avait planté deux clous dans le crâne et qu'un barbier au Mexique s'était servi pour attirer de la clientèle. La conscience planétaire est une conscience qui est tributaire de l'expérience de l'humanité sur cette planète, dans le temps et dans l'espace. Cela veut dire que la conscience planétaire se réfère constamment à l'expérience de l'homme dans le passé, à l'expérience historique de l'homme et à l'expérience présente de l'homme. Alors l'homme essaie donc d'expliquer le présent, l'actuel, à partir de ce qui s'est déjà fait. C'est l'expérience, c'est l'histoire et c'est la conscience planétaire. L'homme qui se réfère à cette conscience expérientielle, à cette conscience mémorielle de la planète, ne peut pas, il ne peut d'aucune façon expliquer quelque chose de neuf. Étant donné qu'il se réfère à ce qui s'est déjà passé, il ne peut expliquer que des choses qui peuvent faire référence au passé de l'homme. Les choses sont neuves. Lorsque la conscience nouvelle aura été expérimentée par suffisamment d'individus, elle appartiendra à la conscience planétaire. Et là, ceux qui ne peuvent pas voir pourront, par la manipulation du sommeil et du rêve, éveillé ou endormi, connaître cette nouvelle conscience. La conscience extraterrestre, la conscience supramentale ou la conscience nouvelle est une conscience qui ne fait pas référence à l'expérience de la planète. Ce qui permet à l'homme qui a cette nouvelle conscience de pouvoir comprendre, de pouvoir vivre la compréhension de ce qui se passe chez la planète. Qu'est-ce que c'est la conscience? Et comment pouvons-nous intégrer cette conscience? On ne peut pas décider d'intégrer. Lorsque j'explique des mécanismes, c'est pour que, lorsque vous allez comprendre, l'ego puisse plus facilement s'adapter à votre transformation. Lorsque l'énergie s'exprime, lorsque l'énergie voyage, et quelle que soit l'énergie, appelez-la Dieu, appelez-la le Nazaréen, appelez-la supramental, appelez-la ce que vous voulez. Lorsqu'une énergie traverse notre univers, et notre univers est existentiel que parce qu'il est régi par le temps et par l'espace. À un moment donné, je reviendrai sur ce qui n'existe pas, l'autre côté de la sphère spatio-temporelle. Lorsque l'énergie est reflétée, lorsque l'énergie est réfléchie par le temps et par l'espace, cela crée la matière. Lorsque la même énergie peut s'appuyer sur la matière, cela va créer l'atomicité de la matière, c'est-à-dire que cela va créer une orchestration vitale, énergétique, électromagnétique, électrique, atomique de la matière. Cette matière, lorsqu'elle reflète, lorsqu'elle réfléchit, l'homme moderne va dire lorsqu'elle pense. Lorsque cette matière réfléchit l'énergie intelligente, il crée l'énergie vitale, il crée l'éthérique de la matière. Lorsque cet éthérique vital est capable de réfléchir l'intelligence, il va créer la vie. Lorsqu'une énergie animatrice de matière est capable, par son évolution, de réfléchir l'énergie intelligente, il va créer l'âme de l'homme, ou l'âme d'une plante, ou l'âme d'un animal. Lorsque cet embryon d'âme va être capable de réfléchir. On va assister à la naissance d'une pensée subjective. Nous sommes rendus à l'homme. Cette pensée subjective qui va réfléchir, c'est-à-dire qui va servir de miroir pour permettre l'expression sur le miroir de l'énergie, va exprimer l'énergie selon la perfection du miroir. Alors, lorsque le bas astral, lorsque le bas âme, lorsque le début de la psychologie de l'homme, lorsque la pensée subjective réfléchit, elle va émettre ce que l'homme appelle les désirs. Lorsque la pensée de désir peut réfléchir, c'est-à-dire lorsqu'elle est capable d'exprimer sur elle l'intelligence, cela va créer les peurs, le désir d'avoir et le désir de ne pas perdre, donc la peur. Lorsque cette énergie va être suffisamment réfléchie chez l'homme, on va assister à la naissance d'une pensée spirituelle. Toujours la même forme d'énergie, toujours l'intelligence de l'homme ou l'intelligence de Dieu, qui se réfléchit chez l'homme, permet l'apparition d'une expression colorée de cette énergie, colorée par ce qui va la réfléchir. Lorsque la lumière n'est réfléchie par aucun obstacle, vous ne la voyez pas. Et pour pouvoir prendre conscience de la lumière, elle doit être réfléchie par quelque chose. Et la lumière blanche, lorsqu'elle est réfléchie par un mur, le mur va prendre la couleur de ce qu'il permet comme réflexion de la lumière blanche. Donc, le mur va colorer cette lumière. Alors, l'homme qui voit le mur va dire, il est rouge ou il est bleu. Et il parle de la lumière qui est réfléchie par l'obstacle. Vous savez que dans l'espace, lorsque l'on regarde une navette ou un astronaute qui flotte, on ne voit que du noir. Il n'y a pas de lumière apparente, même si les photons lumineux inondent l'espace. Et lorsque nous plaçons une navette, une capsule, un astronaute, nous voyons les couleurs de son uniforme. C'est la même chose pour l'homme. Lorsque un être humain réfléchit l'intelligence, vous voyez la réflexion. Et vous pensez que l'homme est ce que vous voyez, alors que l'homme exprime ce qu'il peut exprimer. L'homme réfléchit comme il peut réfléchir. Lorsque cette pensée spirituelle essaie de comprendre ce qu'elle réfléchit, lorsque cette pensée spirituelle va réfléchir sur les mécanismes qui se passent chez elle, elle va créer des explications qui vont être en concordance, en résonance, en harmonie avec le degré de dégradation de la réflexion de l'intelligence. Alors, on va créer des religions. Alors, on va créer des concepts moraux. Alors, on va créer différents mécanismes qui permettent à l'ego qui réfléchit de pouvoir s'imaginer qu'il rayonne. Et comprenez bien qu'il y a une différence majeure entre réfléchir et rayonner. Lorsque l'homme pense, il réfléchit. Et lorsque je dis que l'homme ne pense pas, mais qu'il pense, c'est que l'homme s'imagine être le foyer desquels vont partir les énergies de sa réflexion. Alors qu'en réalité, l'homme ne fait que réfléchir l'énergie intelligente. Dans l'antique religion, on dit que Dieu est dans l'homme. Ça ne peut être autrement. Et l'ego réfléchissant ce qu'il appelle Dieu croit qu'il est en contact, qu'il a toujours été en contact. Et lorsque je dis que l'homme doit évoluer pour arriver à un nouveau contact, c'est que l'homme doit parfaire la surface sur laquelle l'énergie est réfléchie. Donc, l'homme doit réfléchir suffisamment pour que, à la longue, l'énergie qui est réfléchie puisse polir l'endroit sur lequel elle se réfléchit. Plus l'homme réfléchit, plus l'homme réfléchit. Et plus l'homme réfléchit, plus l'homme réfléchit mieux. Et plus l'homme réfléchit mieux, plus l'homme découvre qu'il ne réfléchit pas, qu'il ne pense pas. Lorsque cette pensée spirituelle arrive à un point tel qu'elle s'est suffisamment identifiée, elle dit « Je pense, donc je suis. » Je pense, donc elle n'est pas. Elle n'est pas vivante. Les seules choses qui lui permettent de réfléchir convenablement à l'intelligence sont sa mémoire, c'est-à-dire son expérience mémorielle. Et cette expérience mémorielle fait office d'un miroir qui n'est pas parfait. Alors, la même énergie descend partout chez vous et vous avez tous des réflexions différentes, réflexions créées par la différence de vos miroirs, c'est-à-dire par la différence de votre psychologie, par la différence de votre ego, par la différence de votre expérience. Vous ne pouvez réfléchir de la même façon parce que vous n'avez pas exactement la même expérience. Étant donné que l'homme se réfère à l'expérience collective, étant donné que l'homme se réfère à l'expérience planétaire, étant donné que l'homme est instruit par la collectivité, il ne peut quand même faire autrement que d'avoir une réflexion qui aura une concordance similaire avec la réflexion des autres, même si elle est quelque peu différente. De ce fait, on assiste à la naissance d'une conscience collective, d'une réflexion collective. Alors l'homme pose les mêmes questions, l'homme pose les mêmes questions que tout le monde, l'homme se pose les mêmes questions que tout le monde se pose. Lorsque l'évolution de cette conscience spirituelle est suffisamment avancée, on assiste à la naissance de l'intellect. Lorsque l'énergie est reflétée par l'intellect, il est ajusté pour ne pas détruire l'ego, pour ne pas détruire l'identification dans le miroir, pour ne pas détruire celui qui pense penser. Lorsque l'énergie intelligente est suffisamment reflétée par l'intellect, on assiste à la naissance de ce que l'homme ésotérique appelle le corps mental. Alors, on peut assister à la naissance d'une pensée objective. Une pensée qui permet à l'ego, une pensée qui permet de réfléchir tout le contexte planétaire d'une façon pure, impeccable et incolorée. L'homme voit les choses telles qu'elles sont. Lorsque le mental est suffisamment poli par la réflexion de l'énergie supramentale ou de l'énergie intelligente, cette énergie se reflète purement. Alors l'homme assiste à la création d'une nouvelle conscience, à la création d'un corps nouveau, un corps supramental ou un corps éthérique. Si ce que je dis paraît quelque peu compliqué, c'est parce que je résume relativement brièvement les mécanismes qui permettent à l'homme de quitter l'endroit sur lequel il est venu se placer pour pouvoir permettre l'arrêt de l'évolution de notre univers. L'homme réfléchit. Et lorsque plusieurs êtres humains réfléchissent la même idée en même temps, c'est qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que le miroir qu'ils ont pris pour réfléchir l'intelligence était similaire. Pourquoi, à un moment donné, n'avez-vous pas telle idée géniale? Et pourquoi l'avez-vous après, quand elle n'est plus applicable? Pourquoi, lorsqu'une personne est émotive, malmenée par une expérience, a-t-elle de la difficulté à réfléchir convenablement pour pouvoir avoir la solution? Parce que le miroir qui permet la réflexion étant perturbé par son émotivité, elle est inapte à fonctionner. Alors, dans ce cas, on fait référence à quelqu'un d'autre, on demande un conseil. et l'autre personne qui n'est pas perturbée par nos propres ennuis a la possibilité de réfléchir plus parfaitement. Maintenant, son miroir réflecteur, son ego, sa psychologie n'est pas nécessairement parfaite. Et la réflexion qu'elle va donner, quoique meilleure que celui qui est mal pris, n'est pas nécessairement la solution idéale. Lorsque l'homme commence à toucher à cette conscience nouvelle, lorsque l'homme commence à intégrer cette conscience nouvelle, il se passe des choses chez lui. Il se passe des choses que l'homme ne peut pas connaître. Parce qu'étant donné que l'homme réfléchit d'une façon colorée, d'une façon perturbée, la connaissance parfaite qu'il reçoit, il ne peut comprendre les mécanismes nouveaux qui se passent chez lui. Les premières choses qui vont se passer lorsque l'homme va intégrer la nouvelle conscience ou l'énergie supramentale en 86 ou présentement. Seront des manifestations perturbatrices au niveau du plan physique et au niveau du plan psychologique. Cela veut dire que de prime abord, l'homme, la femme ou l'enfant n'aura pas nécessairement conscience qu'il réfléchit différemment. Son corps physique va lui laisser des symptômes. Et ces symptômes pourront instruire l'ego que quelque chose se passe. L'ennui, c'est que l'ego réfléchit. Et l'ego, la psychologie de l'homme, l'homme psychologique, l'homme ancien, l'homme irréel, réfléchit d'une façon adaptée, donc colorée, des mécanismes authentiques qu'il perçoit. Et ces mécanismes, il va les réfléchir pour les exprimer dans le corps physique. Et la majorité des maladies sont une réflexion malpropre d'une mutation normale qui devra aboutir chez l'homme ancien pour lui permettre de devenir un homme nouveau. Ce qui fait que de prime abord, lorsqu'une personne commence à son insu à être intégrée à cette nouvelle conscience, elle aura des symptômes pathologiques similaires à tout ce que l'homme connaît comme maladie. La seule différence, c'est qu'il n'y aura aucun danger. L'homme qui réfléchit incorrectement l'intelligence supramentale pourra dire « Je suis malade ». C'est parce que je me conscientise. Il devra savoir qu'il peut être malade parce qu'il réfléchit mal et qu'il aura peut-être besoin d'un médecin. Tandis que l'homme qui a une forme de pathologie, parce qu'il se conscientise, n'aura pas besoin de médecin. Aucun médecin ne pourra comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas de l'ordre d'une manifestation réfléchissante de l'ego. Mais c'est l'expression d'une réelle transformation dans la molécule atomique de l'homme, donc dans son corps physique. Les manifestations psychologiques perturbatrices du début seront premièrement un manque d'énergie, pour certains. Manque d'énergie psychologique, puis d'intérêt. Elles peuvent être aussi une oblitération des mémoires. On ne se rappelle plus où on reste. Pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant quelques années. On oublie des choses, et tout d'un coup, on fait des choses extraordinaires. Et c'est à cette étape de la conscientisation que les mécanismes récupérateurs de l'astral collectif, de la société, de votre famille, de vos amis, de vos compagnons de travail, de vos élèves, de tout le monde, pourront essayer de pénétrer chez vous pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas normal. Et étant donné que l'homme veut bien réfléchir comme tout le monde, l'homme veut réfléchir en collectivité, que l'homme veut être normal, cela peut affecter suffisamment un homme transitif pour qu'il décide de rester encore un peu de temps homme ancien. La deuxième apparition de l'intégration de la nouvelle conscience se fera lors de vos périodes de repos, lors de vos périodes de sommeil, lors de vos rêves. Certains qui se rappellent toujours de leurs rêves ne s'en rappelleront plus. D'autres vont commencer à s'en rappeler alors qu'ils ne s'en rappelaient jamais. Les périodes de sommeil seront étirées sans nécessairement amener du repos, ou elles pourront être réduites sans nécessairement empêcher le repos. À ce stade, l'homme ne sait toujours pas qu'il est en train d'acquérir une nouvelle conscience. Les transformations qui s'opèrent chez son corps ne sont pas perçues par sa psychologie évolutive parce que ces transformations n'ont jamais été expérimentées, donc la psychologie les ignore. Elle essaie de les intégrer à des mécanismes de nourriture. Donc, la personne va changer de régime alimentaire. La personne va essayer les vitamines. La personne va essayer le végétarisme. La personne va essayer la viande. La personne va essayer le jeûne. Et ça ne fonctionne pas. La personne va changer de religion parce que dans ses rêves, on lui dit des choses. Et ça ne donne aucun résultat. Cette personne ne sait pas, mais elle va savoir. La troisième étape sera celle où l'homme va commencer à entrevoir chez lui une biconscience, une conscience duelle, une conscience double, une conscience émotive et une conscience intellectuelle. À ce stade, l'homme ignore toujours qu'il est en train d'accéder à cet état de nouvelle conscience. Mais l'homme va prendre conscience quand même chez lui qu'il a la faculté de raisonner émotivement et qu'il a la faculté de raisonner intellectuellement, c'est-à-dire logiquement. À ce stade, l'homme peut entrer en conflit à l'intérieur de lui, conflit où l'intellect ou la logique essaiera d'écraser l'émotion. La logique n'écrasera jamais l'émotion de l'homme. Et l'émotion qui a réussi à enterrer la logique de l'homme ne pourra plus le faire. L'homme poursuit son intégration de cette nouvelle conscience, toujours à son insu. Et il commence à découvrir les mécanismes de la manipulation. Parce que l'homme a un corps mental naissant, un intellect logique, lui permettant de voir les choses, non pas nécessairement comme elles sont, mais de plus en plus comme elles sont. Alors l'homme va se dire, je savais que je ne devais pas faire telle chose et je l'ai faite. Je l'ai faite parce que j'ai eu peur. Je l'ai faite parce que je voulais faire plaisir. Je l'ai faite parce que je désirais que ça marche, même si je savais que ça ne pouvait pas marcher. Alors l'homme connaît donc le conflit qui l'habite. Et l'homme arrive à découvrir ce mécanisme de la manipulation de son émotivité sur son plan de conscience mentale ou objectif. L'homme, suite à cela, découvre qu'il n'est plus normal. Il découvre qu'il voit des choses plus clairement. Et il vit un mécanisme de choc. Alors, on va commencer pour l'homme qui intègre cette nouvelle conscience, une période où il vivra des chocs. Et ces chocs seront vécus en proportion avec la résistance que l'homme, que l'ego, que la psychologie, que la mémoire, que la tradition, que l'enseignement, que l'éducation va apposer ou opposer à cette nouvelle conscience. Le premier choc, c'est de voir clair des choses et de découvrir que les autres ne peuvent pas voir clair la même chose. Alors, on se dit, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas comprendre? C'est pourtant évident. Ça n'a pas été évident pour vous jusqu'au jour où cela a été évident. Et c'est la même chose pour les autres. À ce stade, la personne peut être récupérée encore par les mécanismes traditionnels de l'assujettissement collectif et elle peut se lancer en mission pour faire découvrir aux autres le petit peu qu'elle a entrevu. Alors, encore une fois, elle va étirer son temps. Lorsque la personne poursuit son cheminement de choc en choc, elle découvre des choses et chaque fois qu'elle découvre quelque chose, clairement, une partie de sa mémoire se voit transformée. Et lorsque la mémoire refuse la transformation, il y a la souffrance mentale chez l'homme, il y a la souffrance psychologique chez l'homme et il y a choc. Ce n'est pas nécessaire que ces chocs soient durs. Ça dépend de l'homme, ça dépend de vous. Après ce stade des chocs, l'homme découvre ce qu'est le temps. Et l'homme acquiert enfin ce qu'il a toujours recherché comme une vertu, la patience. L'homme va être capable d'observer l'extérieur et de le voir tel qu'il est. Il n'y a plus de choc. L'homme a donc intégré l'extralucidité, c'est-à-dire que l'homme est en voie de se désassujettir complètement de toutes les formes de manipulation planétaire reliées à l'évolution de l'homme sur cette planète. Lorsque l'homme est capable de voir les choses telles qu'elles sont, comme Krishnamurti les a vues, comme Sri Aurobindo les ont vues, comme Mère l'a vu, comme d'autres avant et d'autres présentement peuvent voir les choses. L'homme quitte cet état de conscience locale parce qu'il ne peut plus s'identifier à une seule partie de l'humanité, parce qu'il ne peut plus s'identifier à une seule partie de l'univers. Alors, automatiquement, la conscience collective réfléchit. Quelque chose de neuf. Alors, à partir d'une certaine année, on parle de 1969, la réflexion collective se voit transformée et, régie par des intelligences supramentales, on éduque l'homme ancien à se préparer à vivre des chocs, mais de façon à ce que ces chocs soient un peu moins violents que ce qu'ils auraient pu être. Alors, on va créer des films, on réfléchit. Alors, on va créer des émissions de télévision où la conscience extraplanétaire de l'homme peut commencer à entrevoir une expression. Et c'est pourquoi, suite à ces étapes, la réflexion collective produit des films comme Rencontre du troisième type, comme E.T., comme La guerre des étoiles, comme Galactica, comme Dune, comme tant d'autres. Pour obliger l'homme à se préparer à quelque chose qu'il a appris, mais qu'il ne sait pas. Lorsque l'homme arrive à cette conscience nouvelle, l'homme approche de ce savoir instantané, l'homme commence à savoir, et l'homme n'a plus besoin d'apprendre. Les mécanismes de l'intégration de la nouvelle conscience ou de l'énergie supramentale se font à l'insu de l'homme ancien. Et c'est pourquoi, lorsque j'en parle, beaucoup sont réticents. Ce sont des mécanismes qui, présentement, sont compris par ceux qui ont fait un bout de chemin vers cette nouvelle conscience. Et ceux qui ont fait ce bout de chemin ne sont pas plus évolués que ceux qui ne l'ont pas fait. Il n'est pas question d'évolution dans la phase du contact. Ceux qui sont venus au monde avant les autres, sont-ils plus évolués? On sait que non, et que c'est souvent l'inverse. Il est bien évident que l'enfant de 7 ans est plus évolué que l'enfant qui n'est pas constitué. Mais lorsque l'enfant naît, il a déjà plus d'évolution que l'enfant de 7 ans. même si l'enfant de 7 ans l'a devancé. Je dis ceci pour la réflexion déformante de l'homme ancien qui voit toujours que celui qui atteint le premier quelque chose est supérieur. Et comme l'homme ancien ne peut souffrir l'infériorité ni la supériorité parce qu'il est collectif, donc tout le monde doit être égal, ce simple mécanisme peut l'empêcher de comprendre des choses claires, faciles et limpides. Il n'y a plus d'évolution pour l'homme. Je parle évidemment du Québec ésotérique et du continent nord-américain. L'homme se dirige vers un contact avec cette énergie supramentale, un contact avec cette nouvelle conscience. Plusieurs choses que je vais expliquer ne peuvent pas être comprises pour la simple raison que l'homme ancien, l'homme transitif, reste attaché, accolé à une conscience locale. Lorsque je parle de la planète, ça fait drôle chez l'homme ancien, chez l'homme transitif. Parce qu'il a une conscience locale. Par contre, si je parle de sa rue, il va pouvoir suivre. Si je parle d'un parti politique dans lequel il vit, il va pouvoir suivre. L'homme est sur un immense vaisseau spatial. Immense. Tellement immense qu'on le croit plat. Qui tourne sans haut, sans bas. Et qui voyage autour d'un soleil. Il lui-même voyage autour d'une galaxie en direction du centre de cette galaxie. Et cette galaxie tourne. Et l'homme est dessus. L'homme nouveau ne peut plus ignorer qu'il est sur une planète. L'univers, ça existe. Et même si l'homme est une expression apparemment réduite de l'univers, ça n'empêche pas que l'univers existe et que l'homme en fait partie. L'intégration se fait à l'insu de l'homme, à l'insu de la femme, à l'insu de l'enfant, jusqu'au moment donné où l'homme commence à vivre des chocs. Et lorsque l'homme commence à vivre la phase des chocs, il n'a plus le choix. Il ne peut plus reculer. Et là, l'homme va commencer à comprendre ce que je dis. L'homme va commencer à comprendre qu'il ne réfléchit pas nécessairement comme il pourrait le faire. Et l'homme va surtout comprendre qu'il ne pense pas, qu'il pense, et qu'il réfléchit des énergies intelligentes et que lorsqu'il sera capable de la réfléchir convenablement. Alchimiquement, on fait référence au charbon, qui est du carbone pur et qui est totalement opaque au passage de la lumière. Et que le même carbone pur, lorsqu'on l'appelle diamant, laisse passer la lumière. Et on sait aussi que le charbon, ce carbone pur noir, s'effrite dans nos mains, tandis que le diamant, ce carbone pur translucide, est presque indestructible. C'est une référence matérielle au phénomène de la réflexion, du réfléchissement. Lorsque le charbon dans l'homme réfléchit la lumière, il la voit noire. Et il est convaincu que lui émet cette lumière. Lorsque le diamant réfléchit la lumière, il ne peut même pas percevoir cette lumière parce qu'elle passe au travers de lui sans qu'il puisse l'expérimenter. Alors, il ne dit pas « je pense, donc je suis ». Il est là, mais il ne le sait pas. Autrement dit, il est mort. Donc, si j'ai bien compris, on ne peut pas évaluer d'une façon chronologique notre avancement dans cette conscience ou notre faculté d'intégrer cette énergie. Ça ne peut pas se faire d'une façon chronologique, mais comme tu le décrivais, il y a donc des étapes, il y a donc un cheminement parallèle. Autrement dit, ce que tu vis, toi, aujourd'hui, d'autres vont le vivre demain, par exemple, d'une façon assez similaire. Ils vont passer par ces mêmes genres d'étapes. Est-ce qu'on peut évaluer ou mesurer notre cheminement d'après la similitude des étapes que vivent les hommes et les femmes nouvelles? Les étapes que j'ai énumérées peuvent permettre à un être de pouvoir entrevoir l'étape dans laquelle il est rendu vers la nouvelle conscience. Maintenant, il ne pourra ni accélérer ni retarder l'échange d'une étape à l'autre. J'ai expliqué un processus qui est comme le processus biologique de l'évolution d'un corps physique vers l'adulte. Il y a des étapes. Des étapes où on peut le diviser, par exemple, avec la puberté, l'âge adulte, la ménopause et tout ce qui peut être élaboré, énuméré au niveau de l'évolution d'un corps physique. Mais une personne ne peut pas vouloir être pubère avant son temps. Elle ne peut pas refuser la puberté. Elle ne peut pas refuser d'être adulte. Elle ne peut pas refuser de ne pas l'être. Elle ne peut pas refuser de naître. Elle ne peut pas refuser d'être un enfant. Par contre, lorsqu'elle connaît les processus par lesquels elle va passer, égoïquement, cela peut être plus rassurant parce qu'effectivement, il n'y a que l'ego qui a peur chez l'homme et c'est d'ailleurs la seule merde qui empêche l'homme d'avancer. Connaissant ces mécanismes, les étapes par lesquelles elle devra passer, l'ego pourra dire, tiens, il se passe ceci, c'est connu. Je n'ai déjà entendu parler. Donc, d'autres sont passés avant moi, donc c'est sécurisant pour l'ego. Alors, l'ego va dire, bon, alors, ça a l'air que c'est normal, ce qui fait que je laisse faire. Et laissant faire, il facilite le travail de passage de l'esprit chez l'homme. Et c'est pourquoi j'en parle. Donc, la reconnaissance de ces étapes respectives là, permet à l'homme au moins de ne pas capoter en attendant d'aller plus loin. Par exemple, tu parlais dans la deuxième étape que l'homme vivait une forme de désintéressement de la vie par rapport à ce qu'il vivait, l'intérêt qu'il avait ou la fascination de la vie qu'il avait auparavant. De quoi ça vient, ça? Quel est le mécanisme de ce désintéressement? Le fait de pouvoir, à un moment donné, entrevoir ou ne plus entrevoir les mécanismes solidifiants de la mémoire amène l'homme à cesser de vouloir accumuler de l'expérience dans cette mémoire. C'est-à-dire que tant que l'homme l'ignore, l'homme accumule des mémoires, l'homme accumule de l'expérience, l'homme veut rencontrer ses amis, l'homme veut jaser, l'homme veut parler, l'homme veut voir un film, l'homme veut lire, l'homme veut s'instruire, l'homme veut travailler, l'homme veut respirer des parfums. L'homme appelle cela vouloir goûter la vie. Lorsque l'homme, à son insu, par la transformation de sa neurologie, par la transformation de son système endocrinien, par la transformation donc de son corps physique et de sa psychologie, à son insu, l'homme perd le contact apparent entre sa mémoire expérientielle, sa mémoire expérimentée et sa conscience. C'est-à-dire que l'homme aura de la difficulté à amener, à ramener, à faire vomir sa mémoire dans sa conscience. Lorsque ce mécanisme arrive, l'homme n'a plus d'intérêt à vouloir nourrir cette mémoire étant donné qu'il ne peut plus y goûter. Alors, une partie de cette mémoire peut rejaillir dedans la conscience mentale de l'homme, dedans la conscience intellectuelle de l'homme, mais l'homme n'a plus le mécanisme de l'émotivité reliée à son phénomène mémoriel comme il l'avait quelque temps avant. Alors, si l'expérience que je vis mémoriser ne m'amène plus le plaisir lorsque j'y pense, je ne peux plus obliger une continuité de ce plaisir dans le temps par le biais de ma mémoire. Alors, c'est plus intéressant, ce n'est plus intéressant de vivre ce genre de plaisir. Alors, je ne vais plus jaser, je jase et ça ne pue, je ne goûte plus de par ma mémoire ce qui se passe. Je m'en vais chez moi, je me couche et je regarde ma journée et j'ai l'impression que j'ai fait rien. Pourquoi? Parce que tout n'avait pas de valeur. C'est-à-dire que lorsque je le faisais, cela en avait, mais lorsqu'immédiatement après j'ai fait référence, ça n'en a plus. On ne goûte plus à ce moment-là, tu veux dire, aux impressions? Aux impressions mémorielles que normalement on accumulait antérieurement. Alors là, je me couche et je me dis, j'ai rencontré un tel, mais c'était plat. Je ne tiens plus à le rencontrer. J'ai été à mon cours d'histoire, puis... Sur le moment, tu revises ta journée et mémoriellement, l'émotion que tu as accumulée, que tu accumulais normalement, n'est pas reprise par ta conscience. Alors, ce qui fait que tu n'as plus de substance émotive à mettre au niveau de ta conscience et étant donné que ton désir d'avancement, que ce qui dirige tes pas normalement, c'est le désir de ce plaisir, de cette sécurité, vu que tu ne peux plus goûter à la mémoire de cette émotion que tu as mémorisée lors de l'action, tu ne vois plus d'intelligence ou tu n'as plus d'intéressement à tous les mécanismes de la vie. ce qui va porter différentes personnes qui ne sont pas suffisamment instruites au niveau de leur ego au suicide, ou à boire, ou à se droguer, ou etc. Mais qu'est-ce qui va compenser ce manque d'intérêt? Les mécanismes de l'intelligence. Lorsqu'une personne sait que cette phase est normale, cela va compenser parce qu'elle pourra, elle a encore la faculté de l'intellect, elle développe lentement la faculté du mental, donc elle peut mentaliser, donc elle peut commencer à comprendre, même si elle n'a plus de cette apparente jouissance de l'expérience. Alors, elle va continuer à accumuler de l'expérience parce qu'elle sait que c'est une phase transitive. En attendant, je vais continuer. J'ai gagné à la loterie, mais je peux aller chercher mon million dans un mois ou dans un an. Alors, le travail est inutile. Mais je n'aurai pas mon million avant un an. Alors, je vais donc continuer à travailler en attendant, même si je n'ai plus du tout le goût du travail. Alors, c'est l'intellect ou le mental, si l'ego est instruit de ce mécanisme, c'est pourquoi j'en ai parlé ce soir, qui va être capable de permettre à la personne de continuer à fonctionner même si elle n'en trouve plus de saveur. Et c'est dangereux parce qu'on connaît suffisamment de personnes qui ont tout abandonné à cette deuxième phase de l'intégration de la nouvelle conscience. Merci beaucoup, Daniel. On fait donc une pause d'une demi-heure.